première fois. Ton regard a transpercé mon regard. Je ne pouvais pas croire à cette histoire, car mon cœur était rempli de désespoir. Sans aucun jugement, on se respecte, car je veux seulement te connaître. Tu m'as ouvert ta porte, tu m'as écouté, et tes yeux me transportent vers la liberté. Je sais rien de toi, je sais tout. Et toi, tu sais de moi que je suis fou.